L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Drop my thumb, pick it up, pick it up. Drop my thumb, pick it up, pick it up. I drop my thumb, pick it up, and put it back with my fingers. I drop my candy, pick it up, pick it up. I drop my candy, pick it up, pick it up. I drop my candy, pick it up, and throw it away in the garbage. Pick, pick, pick, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick, pick it up, pick it up. Pick a, pick a, pick a, pick it up, pick it up. I drop my apple, pick it up, pick it up. I drop my apple, pick it up, pick it up. And I drop my apple, pick it up, and wash it clean in the water. I drop my dolly, pick it up, pick it up. I drop my dolly, pick it up, pick it up. I drop my dolly, pick it up, and lay her back in her cradle. I drop my shoe, pick it up, pick it up. I drop my shoe, pick it up, pick it up. Drop my shoe, pick it up, and put it with my other shoe. I drop my head, pick it up, pick it up. Drop my head, pick it up, pick it up. I drop my head, pick it up, put it back on my shoulders. Pick, pick, pick it, pick it up, pick it up. Pick a, pick a, pick a, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick a, pick it up, pick it up. Pick a, pick a, pick a, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick a, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick a, pick it up, pick it up. Pick, pick, pick a, pick it up, pick it up. Bonjour messieurs dames, soyez les bienvenus. Vous entendez une nouvelle émission de la Radio Pokajou International, une émission directement diffusée depuis Jukapo, capitale de notre toute petite île. Je suis Melissa Suarez El Real, très contente, comme d'habitude, de vous accueillir de nouveau dans cet espace dédié à la culture de notre île. Aujourd'hui, on a décidé de dédier notre émission aux pépeneurs de Pokajou. En fait, les pépeneurs, c'est les gens qui recueillent les choses du sol et qui les ramassent. C'est pour ça qu'on a choisi cette chanson « Pick It Up » de Woody Guthrie pour commencer. En fait, les pépeneurs, ils sont un métier très respecté à Pokajou. Et même aujourd'hui, il est associé avec Bruma. Bruma est l'une des divinités du panthéon pokajoutien les plus importants. Il est le patron du nettoyage et du maintien des choses. Et selon le mythe, il se déplace partout dans le ciel et tous les jours, il balaye l'univers. Ceci sert, dans un premier moment, pour nettoyer et entretenir les étoiles. Mais aussi, il a la tâche sacrée de créer des nouveaux univers. Il faut rappeler que selon le mythe pokajoutien, c'était justement un brin de poussière ce qui a déclenché la création de l'univers. Et donc, la tâche de Bruma, en tant que bougeur de poussière, est très importante. On lui a donné cette tâche grâce à sa vision surnaturelle qui lui permettait de voir même les choses invisibles aux autres divinités. Certaines images préhistoriques de Bruma le représentent avec les yeux situés dans les pieds. Et c'est ça justement ce qui est nécessaire pour les pépeneurs. Un regard différent. Les yeux de l'oiseau. Le genre de choses qui vous font voir différemment un voyage à Ikea. Où l'on se rend compte qu'un paquet d'1m92 de long et de 35 kilos, c'est pas si facile à ramener chez vous en fait. Alors ça vous fait un banc. Un banc pour regarder le ciel des non-lieux herbus. Espace résiduel de la grande consommation où pousse pour un temps coquelicots. Franche d'Ikea. les yeux de l'oiseau. Le genre de choses qui vous font voir différemment ses yeux à l'oiseau. Cher chat, ne pleure pas lorsque tu m'entends chanter. J'ai toujours chanté. À la frontière du rire et du n'importe quoi, tu voudrais m'attraper une bonne fois, mais tu oublies que je suis née ici, dans ta boîte crânienne. Je resterai toujours, peut-être pas sous emballage, mais jamais consommée. C'est comme ça. Je viendrai peut-être. Je m'étais peut-être de partout me poser quelque temps sur un nuage encéphale. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure. C'est comme ça. Je vole, espace résiduel, herbe folle de la grande consommation. Ce coin de carré sauvage pousse pour un temps. Coquelicot aux franges d'Ikea. Sur ce banc, compte sur moi pour t'aimer, mais pas pour être à l'heure. C'est comme ça. Laissez le vent tout faire, ni jour, ni heure. Claquez les portes et poussez les stratocumulus. Compte sur moi pour t'aimer, cher chat. Pas pour être là. C'est comme ça. C'est comme ça. Les yeux de l'oiseau. Les yeux de l'oiseau. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce s'appelle Le Jeu de l'Oiseau, c'est un groupe lyonnais qui s'appelle Outland. Il est parti d'un disque appelé Ottocento, sorti dans l'année 2010. Auparavant, il n'existait pas un mot pour parler des personnes qui ramassaient les objets qui étaient tombés au sol. On les appelait simplement les ramasseurs ou tlipacaja en pocajutien. Mais c'était au début du XXe siècle quand des centaines de Mexicains qui fuyaient la guerre de Révolution sont arrivés au Pocahontas. Ils ont commencé à utiliser un mot d'origine nahuatl, c'est-à-dire aztèque. C'était le mot pepenadores. De nos jours, les pépeneurs sont chargés des ordures non biodégradables, mais ils ont gardé aussi l'esprit artisanal et même religieux des anciens pocahontiens. Aujourd'hui, ils sont encore une confrérie toujours très protégée par le Maharaja et aussi très respectée par les peuples pocahontiens. Sans eux, sûrement, notre toute petite île serait déjà noyée dans les déchets produits par les millions de pocahontiens et par les aussi centaines de touristes qui viennent chaque année à visiter nos plages. On va justement entendre Garbage de Bill Steele, une chanson dont le récemment décédé Pete Seeger a fait partie, et en fait il a fait plusieurs versions. C'est une chanson qui parle d'un scénario effrayant où les ordures remplissent le monde entier. Mr. Thompson calls the waiter, orders steak and baked potato. Then he leaves the bone and gristle, and he never eats the skin. The busboy comes and takes it with a cough, contaminates it as he puts it in a can with coffee grounds and sardine tins, till the truck comes by on Friday and carts it all away. And 1,000 trucks just like it are converging on the bay. Garbage. We're filling up the sea with garbage. What will we do when there's no place left to put all the garbage? Mr. Thompson starts his Cadillac and winds it up the freeway track, leaving friends and neighbors in a hydrocarbon haze. He's joined by lots of smaller cars, all sending gases to the stars, there to form a seething cloud that hangs for 30 days, while the sun licks down upon it with its ultraviolet tongues, till it turns to smog and settles down and ends up in our lungs. Garbage. We're filling up the sky with garbage. What will we do when there's nothing left to breathe but garbage? His shoes, he settles down with evening news while the kids do homework with the TV in one ear. While Superman for thousands of times sells talking dolls and conquers crime, they dutifully learn the date of birth of Paul Revere. In the paper there's a piece about the mayor's middle name, and he gets it done in time to watch the All-Star Bingo game. Bingo! Garbage! We're filling up our minds with garbage! What will we do when there's nothing left to read? And there's nothing left to hear, and there's nothing left to need, and there's nothing left to wear, and there's nothing left to talk about, and nothing left to walk upon, nothing left to care about, and nothing left to ponder on, and nothing left to touch, and there's nothing left to see, and there's nothing left to know, and there's nothing left to be but Garbage, une chanson de Billy Steele. La tâche des pépeneurs n'est pas simple. Ils ramassent les objets trouvés, ils les trient et donc il leur faut une connaissance assez forte des matériaux utilisés dans l'industrie. Mais la tâche peut-être la plus intéressante et importante des pépeneurs, les ramasseurs des objets ordures, c'est de justement, comme Bruma, essayer de créer une nouvelle vie et redonner une nouvelle vie pour ces articles. Les pépeneurs ont une connaissance très large des guildes et confréries et de leurs besoins, donc ils sont capables de faire revenir ces objets à une vie utile plusieurs fois. Le standing d'un pépeneur a une relation directe avec le pourcentage de matériaux qu'il est capable de retourner à la vie utile. Et la plupart des pépeneurs se consacrent dans leur temps libre à la fabrication d'instruments musicaux, d'outils de cuisine ou à bricolage. Et dans une île tellement petite que la nôtre, leur travail est de plus en plus important. En fait, plusieurs institutions internationales se sont intéressées par la façon de gérer les déchets à Pocajou. Et en fait, on vient de constituer, ça fait à peine 2 ans, la première école des pépeneurs au monde. de sujets tels que les matériaux, design industriel, le bricolage ou même la sculpture leur sont appris. Vous pouvez vous renseigner au sein de votre ambassade ou consulat le plus proche. Je suis Melissa Suarez El Real et je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle émission de la Radio Pocahjo internationale. À la prochaine. Radio Pocahjo International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine.